France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, venez. Laurent Vallière, 42e rue. Bonjour à tous. Il a co-réalisé Chantons sous la pluie avec Gene Kelly, On the Town avec Frank Sinatra. Il a réalisé Funny Face avec Audrey Hepburn. Stanley Donen était un maître de la comédie musicale au cinéma. Et 3 ans avant West Side Story, il réalisait une vraie première comédie musicale intégrée où les danses faisaient avancer l'histoire. Un film qui reste aujourd'hui méconnu. 7 filles pour 7 garçons. Film tendre, drôle, légèrement suranné, situé dans l'Amérique des cow-boys bourrus. C'est ce film que nous avons mis ce matin sur la grande affiche de la 42e rue, le rendez-vous des amoureux du théâtre musical de France Musique, avec même tout à l'heure un extrait, figurez-vous, de la version française en 1999 avec Lio. Mais pour débuter, une sacrée nouveauté, l'événement de la saison à Broadway. Bette Midler, la Bette Midler de The Rose, est Dolly dans Hello Dolly. Love. C'est l'événement de la saison, cette saison à Broadway. Bette Midler dans Hello Dolly. Nous consacrerons 42e rue entièrement à Hello Dolly et à son retour dans la grande ville de New York dans quelques semaines. Ça sera en juin, au cours de tout un mois, que nous consacrerons à la saison de comédie musicale à Broadway. Qu'est-ce que raconte alors cette fille pour cet garçon que nous avons mis ce matin sur la grande affiche de la 42e rue? Eh bien, ce sont sept frères, kobolds, mal embouchés, qui pour trouver une femme ne trouvent pas d'autre idée que de les enlever. Un film sexiste en diable qui fait penser à Blanche-Neige et les sept nains chez les cow-boys, puisque tout débute lorsque l'aîné trouve chaussure à son pied en ville et que la femme qui débarque dans cette maisonnée se met à apprendre les bonnes manières aux six ours. Avec un numéro aussi emblématique, une chorégraphie punchy signée Michael Kidd, le seul chorégraphe totalement respecté par Jerome Robbins et qui, trois ans avant West Side Story, propose dans ce film des numéros particulièrement réussis qui font avancer l'histoire. Avec une danse acrobatique entre les sept hommes venus en ville séduire cette jeune fille, pourtant promise à d'autres. Un numéro de plus en plus athlétique qui demande trois semaines de préparation, réglé comme du papier à musique. Une musique orchestrale très western avec ce qu'il faut de banjo, d'harmonica, intitulée Barn Dance. Thank you. la Barn Dance de 7 filles pour 7 garçons, la comédie musicale réenregistrée en 2011 par John Wilson et son orchestre. Cet extrait d'un très bel album qui célèbre la musique de la Metro Goldwyn Mayer. C'est donc dans les années 50 que l'un des trois producteurs de ce grand studio, pas le plus célèbre, hein, il s'appelait Jack Cummings, plutôt habitué à produire les films aquatiques de la sirène Esther Williams, décide d'adapter en film musical une pièce de théâtre, L'enlèvement des Sabines de Stephen Vincent Bennett. Ce dramaturge américain avait écrit une parodie du récit antique de Plutarque lorsque la première génération des hommes de Rome s'était procuré des femmes en les enlevant à leurs voisins, les Sabins. Eh bien, Bennett avait déplacé le récit dans l'Amérique des cow-boys. Jack Cummings, à la MGM, aime cette histoire et il choisit pour réaliser le film Stanley Donen. L'enlèvement des Sabines est au centre de 7 filles pour 7 garçons. Les frères du héros, Adam, ont dansé en ville avec des jeunes filles et sont tombés amoureux. Rentrés dans leur chaumière, ils se languissent et Adam, incarné par le baryton robuste Howard Keel, leur lit cette histoire de l'enlèvement des Sabines. Et il leur propose d'aller les kidnapper, ces jeunes filles. La chanson, je dois dire, est assez convaincante. Elle swing parfaitement. Elle s'intitule Sobbing Woman. Tell you about them sobbing women who lived in the Roman days. It seems that they all went swimming while their men was off to graze. Well, a Roman troop was riding by and saw them in their me oh my. So they took them all back home to dry. At least that's what Plutarch says. Oh, yes, them women was sobbing, sobbing, sobbing, fit to be tied. Every muscle was throbbing, throbbing from that riotous ride. Seems they cried and kissed and kissed and cried all over that Roman countryside. So don't forget that when you're taking a bride, sobbing fit to be tied from that riotous ride. They never did return their plunder, the victor gets all the loot. They carried them home by thunder to Rotunda, small but cute. And you never seen, so they tell me, such downright domesticity, with a Roman baby on each knee named Claudius and Brute. Oh yes, them women was sobbing, sobbing, sobbing, passing them nights, while the Romans was going out hobnobbing, starting up fights. Kept occupied by sewing lots of little old togies for them tots, and saying someday women folks will have rights, passing over their nights just sewing while the Romans had fights. Now when the men folk went to fetch 'em, the women would not be fetched. It seems when the Romans catch 'em, their lady friends they catch. Right. Now let this be, because it's true, a lesson to the likes of you. Rough 'em up like them there Romans do, or else they'll think you're tetched. Oh yes, them women was sobbing, sobbing, sobbing, buckets of tears. Mighty sad. On account of old Dobbin, Dobbin, really rattled their ears. And that ain't all. Oh, they acted angry and annoyed. But secretly they was overjoyed. You might recall that when corralling your steers. Oh, oh, oh, oh, them poor little dears. Oh, yes, them women was sobbing, sobbing, oh, sobbing. Yeah. Could have married long ago, I said no when fellas came proposing. Bankers, teachers, preachers too, but among the men I could have chosen. Kept my feet on the ground. Now I know where I'm bound. He came tossed him off like a bale of hay. Wonderful, wonderful day. Can't wait till I'm with him in our cabin just for two. Sheltered and secluded, only trees near us, no one hearing us. And so you'll forgive me if I simply throw at my chest and say, wonderful, wonderful day. We call this suitable man in this town. When you're in those mountains, there's no coming down. He said there's a big spread. It's a hilltop haven where we will stay. You can't mean it, you ain't even seen it. Wonderful, wonderful day. You hardly know him, he could mistreat you. Think of the wolves and the bears that could eat you. That pinch me and grab my tray. Stop the caster, oh this is disaster. Wonderful, wonderful day. Leastways let him court you, make him come back in the spring. Can this man support you? Merely think, is he a drifter, a drinking man? Steam heading upstream. If I sink or swim, I believe in him. Wonderful, wonderful. Please don't be horrid. Wonderful, wonderful. Really horrid. Wonderful, wonderful. Really resist him. It's too late, it's too late. I've already kissed him. Beautiful. Ah, le bonheur pur et simple de la jeune fille qui vient d'épouser en 2 heures l'aîné de 7 frères cow-boys et qui ne sait pas qu'en rentrant chez lui, elle va se retrouver nez à nez avec 6 autres frères malotrus. La version sur scène de cette chanson « Wonderful, Wonderful Day » lors d'une production à Londres de « Seven Brides for Seven Brothers » avec Ronnie Page dans le personnage de Millie. Laurent Vallière, 42e rue, France Musique. Seven Brides doit tout à son réalisateur Stanley Donen, cet ancien danseur qui a une vision très claire de ce que doit être un film dont la narration intègre des numéros musicaux. Et une de ses scènes favorites dans le film, c'est le moment où Millie, qu'on vient d'entendre, et que vient d'épouser l'aîné, apprend aux 6 frères, 6 ours, qui habitent la même maisonnée, comment aborder une jeune femme. Elle leur apprend la courtoisie, la délicatesse, une chanson intitulée Going Cutting, interprété dans le film par la soprano Jan Powell. Going courting, oh, it sets your senses in a whirl. Going courting, going courting, dudin' up to go and see a girl. Oh, it's fun to hunt and shoot a gun, or to catch a rabbit on the run. But you'll find it's twice as sportin'. Going courting. Now there's lots of things you gotta know. Be sure the parlor light is low. You sidle up and squeeze her hand. Let me tell you, fellas, that it's grand. You hem and haw a little while. She gives you kind of half a smile. You cuddle up, she moves away. Then the strategy comes into play. Going courting, if you find it hard to break the ice. Going courting, going courting, here's a little feminine advice. Roll your eyes and heave a little. to die. Oh! That is what's known as emotion going cold. How about sparking? Parlor's darkened? Yeah. And you're longing for a fond embrace? Uh-huh. What about petting and sofa setting? Suppose she ups and slaps your face. Yeah. Just remember, blessed are the meek. Don't forget to turn the other cheek. Pretty soon you'll both be larking, going sparking, going dancing. Going dancing. At a fancy ball or minuet. Going dancing, you'll impress them with your etiquette. Learning how to dance? Uh-huh. Yes, it came direct from Paris, France. It will help with your romancing, going dancing. But I'm a willing to bet you're the gal for me. Bless you, beautiful hide. You're just as good as lost. I don't know your name, but I'm mistaken my claim, unless your eyes was crossed. Oh, I'd swap my gun and I'd swap my mule, though whoever took it would be one big fool. Or pay your way through cooking school. Even you would say I do. Bless you, beautiful hide. Prepare to bend your knee and take that vow, 'cause I'm a-telling you now, you're the gal for me. Trim and not too slim, heavenly eyes and all that size, simple and sweet, but sassy as can be. Bless her beautiful hide, yes, she's the gal for C'est Western ce matin sur la 42e rue de France Musique avec la première chanson, celle qui ouvre le film Cette fille pour sept garçons, où lorsque l'on voit l'aîné de ses sept frères, Adam, en ville pendant 2 heures, qui va trouver chaussure ou plutôt fille à son pied et même l'épouser. Une chanson intitulée Bless Your Beautiful Hide, ici interprétée par Steve Devereaux en 1985 sur scène à Londres. La musique est signée Gene DePaul et les paroles Johnny Mercer. Avoir des chansons originales, ce fut l'une des batailles du réalisateur Stanley Donen. En 1954, en effet, Cette fille pour cette garçon, c'est un peu la face B du studio de la Metro-Goldwyn-Mayer. Le studio tourne la même année deux comédies musicales et en fait tous les espoirs sont mis dans l'autre. Brigadoon de Vincente Minnelli avec Gene Kelly. Cette fille pour cette garçon n'a pas vraiment open bar en termes de finances et par exemple le studio aimerait bien qu'on réutilise pour les chansons et bien des chansons existantes, Country American. Stanley Donen, très au point en termes de comédie musicale, refuse à tout prix et fait appel au fantastique parolier Johnny Mercer qu'il associe à un ancien pianiste Gene DePaul. La mayonnaise prend parfaitement. Écoutez les deux auteurs, Johnny Mercer, très belle voix, qui interprète, accompagné au piano par Gene DePaul, l'une des chansons qui s'intitule Spring, Spring, Spring. C'est un moment vers la fin du film lorsque les six filles sont bien heureuses finalement auprès de ceux qui les ont kidnappées. Oh, the barnyard is busy in a regular tizzy, and the obvious reason is because of the season. Mom Nature's lyrical with her yearly miracle. Spring, spring, spring. All the hen folk are hatching while their men folk are scratching to ensure the survival of each brand new arrival. Each nest is twittering, they're all babysittering. Spring, spring, spring. It's a beehive of budding son and daughter life. Every family has plans in view. Even down in the brook, the underwater life is forever blowing bubbles too. Every field wears a bonnet with some spring daisies on it. Even birds of a feather show their clothes off together. Sun's getting shinery to spotlight the finery. Spring, spring, spring. In his hole, though the gopher seems a bit of a loafer, the industrious beaver puts it down to spring fever. While there's no antelope who feels that he can't lope. Spring, spring, spring. Slow but surely the turtle, who's enormously fertile, lays her eggs by the dozen, maybe some are her cousins. Even the catamount is nonplussed by that amount. Spring, spring, spring. Even out in Australia, the kangaroos lay off butterfat and all French fries. If their offspring are large, it might be dangaroos. They've just gotta keep 'em pocket size. Even though to each rabbit spring is more like a habit, nonetheless in the cactus they indulge in the practice. Natural proclivity, they dig relativity. Spring, spring, spring. To itself each amoeba softly croons octoliba, while the proud little termite feels as large as a worm might. Oh, Papa Dragonfly is making his wagon fly. Spring, spring, spring. Every bug's snuggled snuggy in its own baby buggy, and in spite of policing, seems the tribe is increasing. 'Cause Mrs. Katy did once did what her matey did. Spring, spring, spring. Daddy Longlegs is stretching out his creaking joints, and how busy can a bumblebee? Flitting hither and thither, she keeps seeking joints with a spare room and a nursery. Each cocoon has a tenant, so they've hung out a pennant. Don't disturb, please keep waiting. We are evacuating. This home's my mama's, I'll soon have my own domicile. Spring, spring, spring, it's as old as forever, but it's more fun than ever. Spring, spring, spring. I'm leaving here, I'm getting out, I won't have any woman taking over. She's gonna have to learn I ain't no mollycoddle you can shove around. No more telling me what I can do or think, when to smoke, when to cuss, and what to drink. Ever since the wedding, she's tried to hold the reins. No one's putting me in chains. A woman ought to know her place, a place she's had since time began. A woman ought to know her place is behind her man. Is behind her man. She's figuring we share a bed so she can twist me round her little finger. I've seen her try to change my brothers, but by God, she won't change me. The boys took what belonged to them, they meant no harm. She was wrong to throw me out, it ain't her farm. She was smart and foxy, full of woman's wiles, fooling me with girlish smiles. A woman ought to know her place and give her husband all she can. When will Millie learn her place is behind her man? And after all, I married her, a waitress with no living kin. She thinks I'll beg on bended knee, but when I don't come home, she'll see, she'll see. A woman's got to know her place. Millie's got to learn her place. If she ever wants to take her place with me. Après le film Seven Brides for Seven Brothers de 1954, le spectacle à Broadway qui fut un four, 5 représentations et puis s'en va, et des nouvelles chansons comme celle-ci composée par Al Kasha et Joel Ishborn, par exemple ici donc A Woman Ought to Know Her Place. C'est un enregistrement à Londres d'il y a 2 ans avec Alex Gaumont dans le rôle titre. Laurent Vallière, 42e rue. France Musique. Parce que c'est pas facile d'adapter sur scène ce film dont l'histoire est un peu benette, faut bien le dire, ça peut devenir mièvre et sexiste. Stanley Donen avait réussi à garder un souffle, une énergie positive et montrer cette histoire avec beaucoup de candeur. Il avait beaucoup de talent, Stanley Donen. On savait et on sait qu'avant de tourner Chantons sous la pluie, On the Town, il avait débuté comme danseur à Broadway. On sait qu'il a débuté à Hollywood comme chorégraphe. Avant de passer à la réalisation, on sait moins aussi qu'il savait chanter. On a une maquette. Have a blossom from my bouquet. I am monarch of all I survey. Someone kissed me today, and I am the queen of the May. Footmen, harness my coach and four. Drive me up to the palace front door. Have the trumpeters play. Make way for the Queen of the May. Have the bells rung in the towers. Have the ballroom decked with flowers. Have the champagne poured in showers. And we'll have a royal soiree as we roll along through the countryside. Tell the peasants to please step aside and respectfully say, hip hooray for the handsome young King of Bombay and Her Highness the Queen of the May. Après la voix de Stanley Donen, le réalisateur, dans une maquette de chanson qui finalement sera supprimée lors du tournage du film « Sept filles pour sept garçons », une chanson d'amour entre les deux héros, Millie et Adam, le frère aîné de « Seven Brides for Seven Brothers »,« When You're in Love », interprété par le baryton Jason Howard. On a pu découvrir « Sept filles pour sept garçons » en France, sur scène, en français. C'était en 1999 aux Folies Bergères. Et qui incarnait la jeune Millie? Eh bien, c'était Lio. On a même un enregistrement rare de la même chanson. Si toi aussi, tu m'aimes si, on ne se soucie pas des autres. Même si c'est de ta faute, j'ai que je rentre. On disait que Stanley Donen savait utiliser la danse dans ses films, qui n'avait pas de gras, chaque séquence faisait avancer l'histoire. Un autre des combats du réalisateur, ça sera d'imposer de réels danseurs dans ce film Seven Brides for Seven Women, contre l'avis du studio qui trouvait que ça rendrait trop efféminé ces personnages de cow-boy. La réponse de Stanley Donen au studio fut cinglante. « Vous ne comprenez rien à la danse, c'est une activité très physique qui peut être très masculine. » Et on embauchera pour le film 4 danseurs dont Jack d'Amboise du New York City Ballet et 2 acteurs dont Russ Temblin, une révélation qu'on retrouvera dans le film « West Side Story ». Alors l'un des moments les plus succulents de danse dans ce film, « Seven Brides for Seven Brothers », c'est la maladie d'amour des 6 frères rentrés de ville. Une danse de lamentation alors qu'ils sont en train de nettoyer avec leur balai, leur baraque. Oh, they say when you marry in June, you're a bride all your life. And the bridegroom who marries in June gets a sweetheart for a wife. Winter weddings can be gay, like a but the June bride hears the song of a spring that lasts all summer long. By the light of the silvery moon, home you ride, side by side, with the echo of Mendelssohn's tune in your hearts as you ride. For they say when you marry in June, you will always be a bride. The day a maiden marries is a day she carries through the years. The church is full of flowers, bridal showers are passé. The groom's waiting at the altar, here comes the bride. They're each promising to love and obey. Best man is celebrating, every bridesmaid waiting just to see which one of them will catch the wedding bouquet. November, the snow starts to fly, piling up ankle high. Come December, it's up to your knee, still the bride's a bride to be. January, higher still, to the parlor windowsill. February finds a drift, March comes in like a lion. What else? Silver snow never melts. April showers will come, so they say, but they don't, and it's May. You're about to forget the whole thing. On est bien d'accord que là, c'était cette fille kidnappée et ravie de l'avoir été dans l'un des derniers numéros de cette comédie musicale Seven Brides for Seven Brothers, June Bride. Mais le voici, le ballet des six frères, un ballet où on ressent cette maladie d'amour alors qu'ils pensent aux jeunes filles qu'ils ont rencontrées en ville. Chorégraphie de Michael Kidd. I'm a lonesome polecat, lonesome, sad and blue, 'cause I ain't got no feminine polecat bowing to. Dernière particularité de ce film, Seven Brides for Seven Brothers, il a été tourné deux fois, en deux versions, une avec une caméra cinémascope, on était au tout début, et une autre avec une caméra normale. Je vous conseille de la regarder en cinémascope, on vous a mis les références des disques diffusés ce matin sur la page de 42e rue sur francemusique.fr. Dans l'actualité des comédies musicales, un documentaire sur l'alter ego, très longtemps, de Stan Edonen, Gene Kelly. Il est passé ce matin sur France 5, il est disponible en replay. Gene Kelly, Vivre et danser, qui raconte son parcours, agrémenté de nombreux extraits et de plusieurs interviews. Un documentaire de Bertrand Tessier, qui parle évidemment, notamment, du film tourné la même année que Seven Brides for Seven Brothers et qui connut un succès moindre, Brigadoon. Maybe the sun gave me the power. For I could swim Loch Lomond and be home in half an hour. Maybe the air gave me the drive, for I'm all aglow and alive. What a day this has been, what a rare mood I'm in. Why, it's almost like being in love. There's a smile on my face for the whole human race. Why, it's almost like being in love. All the music of life seems to be like a bell that is ringing for me. And from the way that I feel when that bell starts to peal, I could swear I was falling. I would swear I was falling. It's almost like being in love. When we walked up the brae, not a word did we say. It was and her arm linked in mine made the world kind of fine. It was like being in love. Why, it's almost like being in love. Like a bell that keeps ringing for me. And from the way that I feel when that bell starts to peal, I would swear I was falling. I could swear I was falling. It's almost like Gene Kelly, Vivre et danser, un documentaire de Bertrand Tessier à découvrir sur France 5 en replay. Plus d'informations, la programmation musicale de l'émission, vous retrouvez tout ça sur la page de 42e rue sur francemusique.fr. Vous retrouverez les informations sur le prochain cabaret 42e rue. Il aura lieu dimanche 28 mai. Nous aurons le plaisir d'offrir une carte blanche à la comédienne, chanteuse, danseuse Isabelle Georges. Elle viendra accompagnée notamment du pianiste Jeff Cohen, de Bruno Fontaine. Il vous proposera des chansons de comédie musicale signées dans le désordre Henri Mancini, Cole Porter, Cy Coleman ou Kurt Weill. Réservation indispensable sur maisondelaradio.fr. Et puis la semaine prochaine, nous recevrons le compositeur du film qui a redonné goût au public français à la comédie musicale, le compositeur de La La Land, c'est Justine Hurwitz. 42e rue, Laurent Vallière, Gabriel Oliveira Guyon, Martine Moni, à la technique Adelino Mello, au droit d'auteur Elisabeth Cornescotto, à la réalisation Françoise Cordet. Rideau.